Bonsoir à tous, il est 21h, vous êtes sur Radio Fadjet avec Corentin dans le nouvel explorateur, accompagné de... Orlando. Qui est... Un invité. D'où vient Orlando? Je viens de la troisième d'Albert Camus à Gerville et je voudrais faire une dédicace à tout Gerville. Comme vous le savez déjà, nous allons nous intéresser à une ville française au milieu de cette émission, soit à peu près dans une dizaine de minutes. Avant cela, nous écouterons l'artiste Gringe pour son titre Bien détaché. À la suite de cette musique, ce sera le tour d'un artiste nancéen. Il se nomme Tom Deltruc. Nous écouterons deux de ses productions. La première, Skillful. La seconde, Silver. Nous serons à peu près à la moitié de l'émission. À ce stade, je vous proposerai un sondage concernant les villes. Vous devrez deviner la ville que nous allons étudier. Vous avez le temps d'une musique pour vous interroger à propos de la ville étudiée. Cette musique sera la Diète de Juliette Amrose, artiste qui est venu dans cette émission le 14 janvier 2020. Et à la suite de cette musique, nous verrons s'il nous reste assez de temps pour écouter eh bien, une musique après la description d'une lutte française. Mais maintenant, c'est au tour de... Gringe pour pièces détachées. Et on en voit. L'absence me laisse des traces, des traces que tu effaces. Comment je peux vivre en paix si ton amour est néfaste? J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi. Et nos souvenirs me hantent. Un jour tu me donnes la vie, puis l'autre tu m'abandonnes. Si je cherche ton fantôme, comment devenir un homme? J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi. Mais tes conseils me manquent. Et j'ai passé tout mon temps à fuir, un peu comme mon père l'a fait. Non, il m'a jamais vraiment vu grandir, je peux pas être son portrait craché. Il est le contre-exemple parfait, si je l'aime, je garde une part de méfiance. Moi j'ai juste hérité de son nom, écrit sur un acte de naissance. Est-ce qu'un enfant délaissé peut élever les siens à la cool? Est-ce que l'absence de modèle l'empêchera d'être un papa poule? Moi je me suis promis d'y arriver, mais maman dit qu'on est les mêmes. Anxieux et coureur de jupons, et je flippe que ce soit dans mes gènes. Pourquoi faire un enfant si je reproduis tes fautes, l'élever en me demandant qui des deux élève l'autre? J'ai pas besoin de ça, il a pas besoin de ça. Et nos souvenirs me hantent. Elle a peur que je la blesse, j'ai peur de m'engager. Au final tout ce qui reste, des sentiments gâchés. J'ai pas besoin de ça, elle a pas besoin de ça. Et tes conseils me manquent. Constance est mon talon d'Achille, toutes mes relations sont fragiles. Moi quand j'aime c'est jusqu'à l'œdème, mais je t'aime sont des poissons d'avril. Souvent elle se sent tellement seule que ça la rassure quand on s'engueule. Comment lui dire que fuir m'a transformé en garçon facile? Je préfère laisser filer l'amour que revivre de sales histoires. Éviter mon reflet dans le miroir. Je suis peut-être trop lucide pour y croire. Impossible que je me suffise d'elle. Je sais qu'elle m'abandonnera pour quelqu'un de plus stable et de plus fidèle. Famille en pièces détachées m'a rendu infirme. Qui pourra réparer mes blessures intimes? Famille en pièces détachées m'a rendu infirme. Qui pourra réparer mes blessures intimes? Famille en pièces détachées m'a rendu infirme. Qui pourra réparer mes blessures intimes? Famille en pièces détachées m'a rendu infirme. Qui pourra réparer mes blessures intimes? L'absence me laisse des traces, des traces que tu effaces. Comment je peux vivre en paix si ton amour est néfaste? J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi. Et nos souvenirs me hantent. Un jour tu me donnes la vie, puis l'autre tu m'abandonnes. Si je cherche ton fantôme, comment devenir un homme? J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi. Mais tes conseils me manquent. C'était Gringe pour pièces détachées sur le Fadjet dans le nouvel explorateur. Orlando, l'invité du début, a malheureusement dû quitter cette émission, vu qu'il avait d'autres choses à faire. Mais ne vous inquiétez pas, il sera peut-être dans la prochaine émission qui aura lieu le 25 février. Et ce 25 février, il y aura une énorme surprise pour vous. En avant tout pour la seconde musique de l'émission, qui est Skillful de Tom Deltruc sur The Budget dans le Nouvel Explorateur. C'est Tom Deltruc, un artiste nancéen pour Skillful. Et on va continuer avec une autre de ses productions. C'est Silver de Tom Deltruc sur The Fadjet dans le Nouvel Explorateur. C'est tout de suite. Et juste après, je vous dirai les villes possibles que nous allons étudier. Tom Deltruc pour son titre Silver. Et en tout, on aura écouté Skillful, Silver de Tom Deltruc. Et surtout, n'oubliez pas, allez voir ces vidéos Silver et Skillful de Tom Deltruc. Et dites que vous êtes là grâce au Nouvel Explorateur. Je vous fais confiance, c'est le seul moyen pour moi de voir si vous écoutez mes émissions de radio. Allez, et maintenant, il est temps de vous dévoiler les deux possibles villes que nous allons étudier après la prochaine musique. Les deux villes possibles que nous étudierons, et parmi elles, il y a une ville que nous étudierons vraiment, et la ville, La première ville que nous allons peut-être étudier sera soit Béziers, et la deuxième ville, c'est Perpignan. Donc, nous allons étudier soit Béziers, soit Perpignan, juste après la musique qui arrive, qui est juste là, maintenant, tout de suite. Et la musique qui arrive, c'est M. Rose, l'invité que nous avons reçu le 14 janvier dernier. Et c'est M. Rose pour la diète, sur du Fadjet dans les nouvelles soirées. Le siège de porcelaine accueille ses faiblesses. Son corps plie, fil de fer ou boué de détresse. Dans sa tête, ses visions de dégoût la suivent. Dans les yeux de sa mère, sa silhouette est grise. Lourde, elle se traîne, boulée aux hanches. Sourde, elle sait très bien remonter ses manches. Pour boucher ses oreilles ou combler le silence. Elle n'écoute que ses yeux, comme d'habitude se penche. Ses pulsions l'envahissent au service de son image. Ça la bouffe tous ses vices, ce sont les tendances de son âge. C'est ce que ses parents disent. Ça fait trop longtemps qu'elle est assise. C'était Juliette Rose pour la diète sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Et aussi pour cette musique, n'hésitez pas à aller voir la section commentaires et à mettre comme commentaire « Nous sommes ici grâce au Nouvel Explorateur » ou un truc du genre, enfin, soutenez-la. Et n'oubliez pas, et maintenant, il est temps de voir la ville que nous allons étudier. Et la ville que nous allons étudier, c'est soit Béziers, soit Perpignan. Et finalement, ce n'est pas Béziers, mais c'est bien Perpignan. Nous allons voir les 7 choses incontournables à faire à Perpignan. Les 7 choses incontournables à faire à Perpignan. C'est 1. La citadelle centre historique. 2. Planer dans le centre-ville. 3. Visiter le Castillet. 4. Voir la loge de mer. 5. Le palais des rois de Majorque. 6. Le palais de la députation. 7. Le musée Hyacinthe Rigaud. Et tout cela, vous pouvez les retrouver sur Génération Voyage. Visitez Perpignan, faire voir. Et maintenant, vu qu'il nous reste quand même 3 minutes pour écouter une musique, nous allons écouter une musique et je vais vous faire un teaser en musique du prochain sujet de la prochaine émission de radio qui sera vraiment exceptionnelle. Cette musique, elle s'appelle She Foreign. Elle est de Boza, Maxwell et aussi Musu. Et la prod, c'est Socrates. Et maintenant, on va l'écouter C'est le teaser de la prochaine émission de radio qui aura lieu le 25 février 2020, le mardi à 21h. Im Sommer Skifahren, Mastercard und Visa. Bleib bei deiner Linie und gib Gas im Schnee. Wer ist dir lieber, Kim oder Shaniqua? Nimm dir einfach beide mit auf ganz bequem. Ah, ja, ja. Mein Geld in der Hand, keine Fata Morgana. Nie ohne Marihuana. Niemals. Baby, mach kein Palaver, wir nehmen deine Freundin heute mit ins Apartment. Vernasch die beiden wie Koalas. Yummy. Mein Vater in Ghana, doch alles kein Drama. Fühle mich gerade wie Barack Obama. Ich stürme den Club mit ein paar Samoana. Mercedes foliert Aubergina Lila. Mädchen bussieren aus der Oberliga. Bin am Kete, verdiene nur mit Kokaina. Profispieler so wie Robert Zieler. Zu dritt auf einer Hayabusa. Weed und Whiskey in der Blutbahn. Ich hab die richtige Zutat und Bitches rufen Halleluja. Im Sommer Skifahren, Mastercard und Visa. Bleib bei deiner Linie und gib Gas im Schnee. Wer ist dir lieber, Kim oder Shaniqua? Nimm dir einfach beide mit auf ganz bequem. Ah, ja. Nimm nicht nur eine, lass die andere nicht allein. Nimm dir beide, nimm dir beide mit heim. Nimm nicht nur eine, lass die andere nicht allein. Nimm dir beide mit heim. Ich bin im Modus, gib mir die Dosis. Wieder mal sehen, dann Batizer D. Sie schießen Fotos, picture me rolling im Audi Coupé. Folge meinem Plan, seit so vielen Jahren hab die Zukunft gesehen. Komme nicht klar, blond oder schwarz, nur ein Luxusproblem. Kurzen war ich immer pleite, wollte Bitches, aber kriegte keine. Mittlerweile sind die Chicks am Streiten, wer kriegt mich alleine und ich nehm sie beide. Sweet im Mai für einen wilden Dreier, bis zum Höhepunkt des Westen Himalaya. Danach zieh ich eine zwischen ihren Beinen, zieh dann Leine und muss wieder im weiter. Im Sommer Skifahren, Mastercard und Visa. Bleib bei deiner Linie und gib Gas im Schnee. Wer ist dir lieber, Kim oder Shaniqua? Nimm dir einfach beide mit auf ganz bequem. Nimm nicht nur eine, lass die andere nicht allein. Nimm dir beide mit heim. Nimm nicht nur eine, lass die andere nicht allein. Nimm dir beide mit heim in Naja 3. Baby, genieß die Nacht, Nebel aus dem Schiebedach. Sie ist schon wieder nackt und will, dass ich ein Video mach. Baby, bleib mit mir wach, Skifahren um Mitternacht. Und wenn du müde bist, dann wirst du wieder fit gemacht. Skifahren, Skifahren, ja Baby, wir gehen Skifahren, Skifahren. Oh Baby, lass uns Skifahren, Skifahren, ja Baby, wir gehen Skifahren, Skifahren. C'était Boza, Maxwell de Simizu avec The Crates à la prod. Et puisque nous avons encore un tout petit peu de temps, je vais vous faire un autre teaser sur la prochaine émission de radio qui, vous l'avez compris, sera sur l'Allemagne. Cette musique, c'est Raf Camora pour Adriana sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Et c'est tout de suite. Kein Dolce Gabbana, Augen wie auf nem Cover, auch ohne Mascara. Sie ist modern, doch hat mir Deliktit. Wenn Mama zu Besuch kommt, macht's Kaffee. Glaub mir, sie gibt mir Kontra, wenn sie merkt, ich bin am falschen Weg. Sie geht selten auf Party, und wenn doch, sie die Schönste im Crew. Lass sie fahren im Ferrari, und ich schwör, Bruder, jeder guckt. Bin nur sie, keine andere, für sie ist geil, ich erinnere die Schlampe. Wir schauen uns an, verstehen uns stumm, ein Blick, ein Gedanke. Vor mir steht in Jesus und egal was sie ansieht. Wir gehen durch die Stadt und neben ihr bin ich undercover. Alle Augen sehen nur auf ihr, selbst die vom Kameramann. Hab ne Waffe unterm Bett und sie weiß, wie man schießt. Sie scheißt auf Luxus, obwohl sie weiß, ich bin rich. Bin nur sie, keine andere. Kauf ihr Ring und Diamante. Kein Wort, wir verstehen uns stumm. Ein Blick, ein Gedanke. Ey, bin ich mit dir, bin ich nicht mehr. Adriana de Raf Camora sur Radio Fadjet dans le Nouvel Exploiteur. Et n'oubliez pas, dans 2 semaines, soit le 25 février 2020, il y aura une émission spéciale sur un événement spécial qui se passera du 6 au 10 avril 2020 à la Maison des étudiants de la Faculté de Lettres de Nancy. Nous sommes presque à 24 minutes d'émission, il est donc temps de se dire au revoir et à bientôt, le 25 février 2020. Et en plus de cela, il y a peut-être l'invité que vous avez entendu en début d'émission. Au revoir et à la prochaine.